La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver au troisième jour de notre série consacrée à Julien Gracq dans la compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurane Travaglichanal, Yanis Djoudad et Jacques Hubert. Julien Gracq, dont la biographie présente peu d'aspérité. Il est né dans le bourg de Saint-Florent-le-Vieil, dans le Maine-et-Loire, en 1910. Et c'est également là qu'il est mort à l'âge de 97 ans, après une vie consacrée à enseigner la géographie à des lycéens de Quimper, puis de Paris, et surtout à écrire une quinzaine d'ouvrages, romans, fragments, mais également théâtre, cette forme qu'il a peu pratiquée, même s'il l'a placée très haut. Cette vie, nous en avons parlé lundi, c'était avec Philippe Le Guillou, et vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Hier, Michel Murat a évoqué pour nous quelques-uns des grands thèmes gracquiens, comme la notion d'entre-deux, mais également celle de l'attente, attente plus importante dans ses romans que la survenue de l'événement lui-même. Enfin, demain, nous vous proposerons d'entendre la table ronde organisée par Régis Debray et Jean-Yves Chevalier à l'occasion des 10 ans de la mort de Gracq. C'était au lycée Henri IV en décembre dernier, et y participaient l'écrivain Eddy Cadour, mais également Jérôme Villeminoz, qui a parlé des manuscrits de Gracq, ou encore Emmanuel Ruben, qui dirige la maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Et aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique d'Alexis Broca, nous retrouverons Bernard Vouilloux, professeur de littérature moderne et contemporaine à l'Université Paris IV. Il nous parlera du rapport de Gracq à la peinture, au cinéma et aux images en général. Et puis en première partie, pour parler du sentiment géographique chez l'auteur de La forme d'une ville, nous écouterons Jean-Louis Tissier, qui en a longuement parlé de ce sentiment durant la table ronde à Henri IV. Mais avant de le retrouver et en guise d'introduction, je vous propose d'écouter Julien Gracq lui-même évoquer son goût pour la géographie. J'ai un goût très très prononcé pour, les choses de la planète, enfin, et pas très exactement en ce qui concerne la nature, pas tellement les plantes, pas tellement les animaux, pas tellement les détails. Qui m'apparaissent assez mal. Je ne suis pas très observateur en ce qui concerne les petits objets, enfin les petites choses, les fleurs, les coquillages, les petits animaux. J'ai toujours eu le goût, au contraire, goût que j'ai très vif, des paysages, alors des grands ensembles, des vues lointaines, enfin des échappées de vues lointaines, des hauteurs d'ailleurs d'où on découvre un grand pays. Il y en a un que j'ai revu assez fréquemment et où je me rendais de temps en temps lorsque j'étais en Normandie, à Caen. C'est un paysage dont je me souviens fort bien. Il n'est pas extrêmement impressionnant, mais il est très net en ce sens que vraiment les lointains semblent se perdre presque à l'infini. C'est le paysage qu'on a au-dessus de Mortain. Mortain est une petite ville qui se trouve presque au haut d'une espèce de marche d'escalier. Et alors vers le sud, vers la Bretagne, en direction de Rennes, on a une vue extrêmement lointaine. On a une vue aussi vers la mer, vers le Mont-Saint-Michel. C'est un endroit qui m'a toujours donné l'impression d'un haut lieu, précisément d'un endroit d'où on domine. C'est un goût que j'ai très enraciné et qui évidemment me menait assez directement du côté de la géographie, surtout de la géographie physique, qui est le côté par lequel j'ai abordé la géographie. Jean-Louis Tissier, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à la Sorbonne, où vous avez enseigné la géographie de la France par des voyages, des images, des cartes. Vous avez d'ailleurs publié en octobre 2016 un livre que vous avez fait avec le photographe Hervé Tardy, intitulé précisément « France, un voyage ». C'est aux éditions de La Martinière. Vous avez réalisé des films sur les paysages de France et ce goût pour les paysages, vous l'avez partagé avec Julien Gracq, avec qui vous avez fait des entretiens qui figurent, je le signale, dans le tome 2 de ses œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors, on vous a tendu la perche, Jean-Louis Tissier. Pouvez-vous nous parler de l'esprit géographique dans l'œuvre de Julien Gracq? Bon, c'est un esprit qui est, disons, je ne dis pas permanent, mais qui est l'une des balises pour les lecteurs géographes, qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi les autres lecteurs. Et il y a un texte qui s'intitule en italique « Conversation d'outre-tombe » et qui commence par « Je n'oublie jamais un paysage que j'ai traversé ». Et c'est une question, disons, c'est pas simplement... parce qu'il voyage, disons, en touriste éclairé, c'est parce qu'il y a, disons, dans sa culture, dans sa formation, et surtout dans la formation qu'il a eue, disons, une formation déjà poussée, puisqu'il a préparé une thèse, il y a des réflexes. Lui parle de pli. Donc, il y a le pli du terrain, il y a le pli de la mémoire, et... en quelque sorte, le paysage permet de déplier la mémoire pour retrouver le pli du terrain. Il y a ce jeu chez Gracq qui est un jeu. Je pense qu'il y a une part de connaissance positive, mais il y a aussi une part de jubilation. Et dans l'écriture, on la sent, cette jubilation. Cette jubilation, elle est liée, et dans cette précision poétique, il y a la dimension toponymique. Et le texte qui a été lu sur la Normandie, puisque c'est le texte « La géographie physique, je commençais », et puis il parle des chemins, et il y a toute la toponymie de ce canton de recherche qui se trouve à l'ouest de Caen, et d'un seul coup, c'est quelque chose de très précis. J'ai trouvé enfin le toponyme qui était le plus mystérieux, Otaniboule. Otaniboule, la forêt d'Otaniboule, qui était dans le texte sur Mazamet. C'est le revers... du sud du Massif central, la retombée. J'ai retrouvé Otaniboule et j'ai fait ce constat, c'est à 10 kilomètres du fief de la famille de Vidal de la Blache à Rusquayrol. Donc, j'ai toujours, des fois je dis rapidement, Gracq, c'est entre Breton et Vidal de la Blache. Mais je crois qu'il y a de ça là-dedans. Et dans cette espèce de, disons, de fonction... la fonction mémorielle, il y a des choses qui sont du métier de géographe. Il y a un texte qui est le texte sur la retombée du Massif central. Il y a ce qu'on appelait les blocs diagrammes que faisait Emmanuel de Martonne, qui sont des constructions magnifiques. Et en fait, quand il se promenait, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de textes des fragments dans les trides qui correspondent à ces objets dessinés. Et donc, il y a, en quelque sorte, il y a une iconographie qui permet de comprendre le pli du terrain. Terrain, Jean-Louis Tissier, on le comprend d'autant mieux qu'il n'y a pas, dans l'utilisation que Gracq fait de la géographie dans ses romans, il n'y a pas ce que vous redoutez quand vous lisez un roman qui se veut un petit peu géographique, de description lyrique du paysage. C'est complètement autre chose, la façon dont Gracq parle du paysage. Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre, nous faire sentir comment il parle Je ne peux pas faire comprendre dans cette salle-là. C'est quand on se promène avec des textes de Gracq et Régis et Yann Potin qui se dit en France. Donc il faut qu'on aille faire une promenade non, avec vous pour comprendre. On fait des excursions, disons une fois ou deux fois par an, avec des textes de Gracq qui sont en quelque sorte le livre d'heures. On était en Aubrac au mois d'octobre. Et en fait, on ouvre et on s'aperçoit de ce qui est, disons, étonnant, remarquable de précision sur non seulement les formes, mais aussi, on pourrait dire, presque l'esprit des formes. L'Aubrac, on est sur l'Aubrac. On est monté au-dessus des reboisements de la Marche ride. Il parle de tonsure sacramentelle pour les pâturages. D'un seul coup, quand on sort la carte de Nasbinal, vous voyez l'Aubrac est une sorte de grande tonsure entourée par une auréole de forêt. C'est des choses qui sont... je pense que il est souvent question de la route, du chemin, et que ce soit en voiture ou à pied. Et il y a chez lui, disons, un rapport au paysage qui n'est pas simplement un rapport statique. Il y a le rapport, on pourrait dire, presque d'un travelling, notamment quand il monte sur le Massif central. Il y a une sorte de grande... Et à chaque fois, il repère bien ce qui est le granit, le volcanique ou d'autres formes. Voilà. Donc c'est quelque chose... Mais la géographie ne s'entraîne bien que sur le terrain, donc c'est pas... Donc il faut monter avec vous sur les points hauts pour comprendre, parce que avec vous et avec lui, parce que c'était quelqu'un dont les personnages étaient souvent des guetteurs. Des guetteurs, qui affectionne les points hauts. Oui. Et en fait, il a une prédilection pour les belvédères, des belvédères comme celui du balcon en forêt, où il est sur ce haut lieu, et on voit la vallée de la Meuse, où il parle de la beauté presque géodésique. Donc là, il y a quelque chose dans l'expression beauté presque géodésique, l'association de la géodésie, quand même, c'est quelque chose d'éminemment précis pour construire la carte, et de beauté. Ça ressemble un peu à la beauté convulsive de Breton, mais il y a autre chose qui l'apporte. Donc il y a cet aspect du lieu, mais c'est un balcon. C'est-à-dire que Gracq n'aime pas la haute montagne, il parle peu de la haute montagne, très peu. Ce qu'il aime, c'est d'être en quelque sorte au-dessus, sur une crête, au-dessus d'un pays qu'il domine. Et comme il est armoricain, la plupart des crêtes, c'est des crêtes de grès armoricain. Et je vous cite, « Oui, de pareils endroits m'attirent certainement, en rêve ou en réalité. Je m'en détache difficilement. » Moins encore les sommets de montagne, d'où la vue est presque toujours bornée, que les falaises, les marches d'escalier qui découvrent un vaste pays, plat, ou encore les très hautes tours. L'un des plus beaux panoramas de ce genre est pour moi celui d'une chapelle qui domine Mortain, en Normandie, où j'ai passé des heures. On est ici dans un dispositif topo-poétique, qui est son dispositif de prédilection, c'est-à-dire le paysage qui s'ouvre avec un premier plan, un second plan, un arrière-plan, et en quelque sorte la capacité dans ce paysage, il le dit dans un autre passage, de voir les chemins de la vie. Et c'est en quelque sorte quelque chose qui permet presque de passer un récit qui sera peut-être le récit du voyage qui va traverser ça, comme dans la Presqu'île. Rien n'était plus frais et plus charmant, il y a une douzaine d'années, que la matinée d'été où, parti de Mazamet de bonne heure, je gravissais lentement les pentes de la montagne noire, après les gorges de l'Arnette, à travers la forêt d'Otaniboul. Le soleil de 8 heures pénétrait dans le sous-bois, aéré d'airelles et de murs, faisait briller de chaque côté de la route 2 bandes de mousse humide, ressuyer la forêt aussi tendrement qu'une femme qui tord sa chevelure, éclairant l'une après l'autre les clairières petites et jeunettes, si fraîches et si matinales que malgré soi, au fond de chacune d'elles, on s'attendait d'entendre chanter le coucou. À chaque lacet qui me hissait plus haut le long de cet espalier tout emperlé d'une rosée baptismale, la respiration se faisait plus légère. Au nord, de plus en plus loin, sous les réseaux de la brume, on voyait s'étendre les vastes plaines du Castré. Et, de virage en virage, Il me semblait que je me haussais vers les royaumes du matin. Et puis il y a peut-être aussi autre chose, Jean-Louis Tissier, dans l'utilisation que Gracq fait de la géographie, c'est que ça n'est pas, quand il y a description du terrain, ça n'est pas une description qui va suspendre le récit. C'est une description qui est le récit, qui s'intègre vraiment dans le récit. C'est-à-dire que la géographie, c'est aussi le sujet de ce qui est raconté. Ça n'est pas uniquement un contexte. C'est-à-dire la description géographique participe de la tension du récit. C'est-à-dire qu'il y a, on est là et il y a un avenir, peut-être incertain, mais il faut, on va y aller. C'est tout le dispositif aussi de la mer des Sirtes. Avec cette ligne des patrouilles et puis cette ligne rouge. C'est ce qu'on revoit aussi dans les terres du couchant, avec cette fameuse muraille, qui est une sorte de mur d'Adrien, et qui est une. Et en fait, on a envie d'aller au-delà. C'est ce qui attire. Donc il y a le paysage, le territoire, presque aussi, que dans le rivage des Sirtes, ça participe de la tension et du récit. Et la carte alors, quelle est la place de la carte? On sait qu'il y a la salle des cartes dans le rivage des Sirtes, par exemple, qui est un espèce d'endroit merveilleux, une antre où on peut finalement couper du monde, rêver, et en même temps rêver alors qu'une espèce de guerre étrange semble avoir lieu au dehors. Donc qu'est-ce que c'est que cette salle des cartes et qu'est-ce que c'est que la carte en particulier? La chambre et les cartes. Et c'est pas la cartothèque, parce que la cartothèque c'est un côté, on pourrait dire un peu académique, universitaire. C'est la chambre des cartes. Et en fait, dans ce terme de chambre, et on voit bien, parce que j'en connais des chambres des cartes, des salles des cartes un peu à l'ancienne, c'est des grands meubles en chêne avec des tiroirs. Et on peut imaginer que dans cette chambre, les cartes dorment quand les tiroirs sont repoussés. Et puis, on ouvre le tiroir, et d'un seul coup, le jour se lève sur la carte, mais aussi sur le territoire. Et à ce moment-là, Gracq dit, la carte, c'est aussi un objet magique. C'est-à-dire, c'est pas simplement le résultat de la géodésie pure, c'est aussi un appel à rêver, à voir des itinéraires. Il le dit dans la presqu'île, Simon se contente d'une carte Michelin, mais une carte Michelin, ça permet aussi de rêver. Voilà. Jean-Louis Tissier, vous dites que la géographie pour Gracq, c'est la poésie. Est-ce que les étudiants en géographie... Il disait pas que c'était de la poésie. Il disait que la géographie comme savoir n'était pas dépoétisante. Au contraire. Et tout à l'heure, on a parlé de structure ou de précision. Et il disait la connaissance d'une structure de type géologique n'est pas du tout dépoétisante. Au contraire, ça permet en plus d'aller encore plus loin dans l'analyse. Est-ce que les étudiants que vous avez eus, vous leur avez enseigné la géographie sans la dépoétiser avec Gracq? Bon, j'ai mes étudiants, il y en a quelqu'un ici. Oui, ils savent que c'était un hobby. Emmanuel Rubin. Mais j'en ai placé, par exemple, au commentaire de cartes, l'épreuve de commentaire de cartes à l'agrégation, sur document. J'ai glissé des textes sur la Novempopulanie, sur l'Aubrac, sur d'autres. À la fin, j'avais placé tout Gracq, j'ai placé Michon, dans AB. Mais il y a quelque chose qui est de cette, qui peut être de cette nature. Louis Tissier, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter à ce qui a été dit et peut-être quel est le thème sur lequel vous auriez envie d'intervenir, qui n'a pas été abordé ici, mais dont vous pensez que c'est important de l'aborder. Peut-être, c'est la question de la mémoire, et Gracq, du fait de la longue durée de sa vie, a été un observateur magnifique des transformations du paysage français et du territoire. C'est-à-dire qu'il a été le témoin dans sa jeunesse de la France figée de l'entre-deux-guerres, à part les reconstructions de la guerre de 14. Après la Seconde Guerre mondiale, le texte sur Caen, réduit par les bombardements, donc il y a un moment qui est un moment de reconstruction. Et puis il y a ce qu'on appelait après les Trente Glorieuses. Et dans Gracq, dans La forme d'une ville, dans beaucoup de textes sur l'Ouest, même des tests sur le tourisme littoral. Et on le voit qu'il devient un observateur et pas toujours chagrin des mutations du paysage rural. Le bocage qu'il a étudié en tant que géographe sous la direction de Demangeon s'éclaircit. Il dit, je l'avais dit à Demangeon, mais Demangeon, il croyait que c'était éternel. Ça a changé, peut-être pas pour toutes les raisons que j'ai mises en avant, mais ça a changé. Et puis, il y a la transformation de Nantes, quand même, qui est une ville qui était déjà une ville moderne pour lui, venant de Saint-Florent, jeune, mais qui a subi. Disons, il a été l'observateur aussi de la métropolisation. Le passage de la forme d'une ville à celle d'une métropole, il l'a vu, puisqu'il était attentif aux lisières de la ville ancienne. Et en fait, la métropolisation, c'est la transgression des lisières. Et c'est un terme transgression, c'est un terme un peu géologique aussi. Et je pense que il y a un texte extraordinaire sur Saint-Florent, du temps que les maisons étaient grises. C'était la couleur de ma jeunesse, etc. Et après la guerre, après 1960, c'est le bourgeonnement périphérique. Et donc c'est le blanc du pavillon qui se greffe et des parkings. C'est un observateur pour ça. Très fidèle et attentif. Et quand Régis Debray parle de l'appauvrissement du vocabulaire par rapport à la littérature de Gracq, qu'en serait-il de la culture géographique d'aujourd'hui par rapport à la culture géographique telle que Gracq l'a envisagée ? Disons que la géographie, enfin je suis hors sujet. La géographie que je pratique, elle est quand même très vidalienne et gracquienne, et c'est la géographie peut-être aussi qui a une attente, je veux pas dire du grand public, Régis, mais c'est une géographie paysagère. Et alors que les études géographiques s'orientent vers une parasociologie, une pseudo-économie, un discours un peu, on dirait, généraliste sur la mondialisation, et l'attention au lieu. On se gargarise avec le territoire, mais on ne voit plus le territoire dans la géographie. La mondialisation n'est pas quelque chose qui l'aurait intéressé. Ça n'est pas cette géographie-là qui l'aurait intéressé. Le texte qui s'appelle « Sur l'évolution de la géographie humaine » qui est publié, pas dans une revue de géographie, dans la revue Critique en 1947. C'est un texte où il voit ce que la mondialisation, puisqu'il dit « On est dans un monde où pouvoir aller de l'Europe à l'Amérique, on passe maintenant au-dessus du pôle. » C'est donc, il était totalement conscient de ça. Et quand il est allé en Amérique, il était, je pense, très heureux de passer de l'autre côté. C'était un voyageur pour vous, Julien Gracq, parce que ça n'est pas un écrivain je pense voyageur. Que c'était un visiteur. C'était un visiteur, c'était pas, il avait pas la fièvre touristique, mais je pense que tout son temps de voyage ou de parcours ou de visite était un temps très riche, très plein. Il y a ce problème de la mémoire visuelle. Il y a aussi des souvenirs, il a fait des photos aussi, mais c'était cette capacité à mémoriser une sorte de système à la fois optique et poétique en mouvement. Donc l'intervention du géographe Jean-Louis Tissier, professeur émérite à la Sorbonne, enregistré au lycée Henri IV au cours de la table ronde hommage à l'occasion des 10 ans de la disparition de Julien Gracq et dont nous diffuserons le reste des interventions demain. Je signale par ailleurs que le texte de Lettrine que vous avez pu entendre est lu par Sarah Ars. Merci à Benjamin Perreux et Hélène Langlois qui ont assuré l'enregistrement de cet entretien pour France Culture. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous allons continuer à parler de Julien Gracq et à le regarder dans les yeux, puisque dans quelques minutes, il sera question des liens entre Gracq et l'image. Ce sera avec le professeur Bernard Vouilloux. Mais tout de suite, on retrouve un peu en avance sur l'horaire habituel notre chronique en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, aujourd'hui avec vous, Alexis Broca, du nouveau magazine littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu. Je crois que Gracq est un auteur important pour vous. Ah oui, Gracq est un auteur très cher à mon cœur. Bon, je l'ai découvert, comme tout le monde, par Le Rivage des Sirtes. Et j'avais été ébloui, en particulier par la façon dont il décrit l'atmosphère de dissolution dans cet état. Cet état qui attend le choc qui le mettra à terre et qui le souhaite presque. Il y a quelque chose de très subtil et de très angoissant là-dedans. Et puis, bah, je me sers en fait des lettrines de Julien Gracq qui sont très riche en conseils que nous autres petits critiques pouvons appliquer. Il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est lorsqu'il nous recommande de nous méfier de la critique de Gaillard d'avant. Mm-hmm. Le critique de Gaillard d'avant, c'est celui qui regarde l'horizon des publications et qui n'a qu'une envie, c'est de crier nouveauté, innovation, avant-garde. Bon, Julien Gracq a senti en fait venir l'idée d'une littérature monstre telle que l'a décrit Pierre Jourde, où tous les livres sont des objets uniques et donc où tous les livres donnent envie de crier nouveauté, avant-garde, invention. Voilà, il nous enjoint aussi à nous intéresser aux livres qui sont non advenus à l'intérieur des livres que nous lisons. Il nous explique par exemple que Le Rivage des Sirtes, à l'origine, filait vers une bataille navale. Ce qui m'a beaucoup Il faudrait aidé. Écrire du coup la suite du Rivage des Sirtes avec une bataille navale. Vous pourriez faire ça un jour. Oh, je crois pas que Alexis j'oserais. Broca, voilà. Venez quand même nous expliquer. Vous venez quand même nous expliquer un petit peu ce qu'on peut lire à la une du magazine littéraire. Je crois que c'est à mai 68 que vous avez souhaité consacrer la une de ce numéro. Voilà. Alors c'est notre troisième numéro et 50 ans après, il nous paraissait très important de revenir sur ce gros morceau de notre mythologie qui est mai 68 et sur l'opinion qu'en ont des Français. Parce que c'est vrai, mai 68 a été récemment accusé de tous les maux, à la fois par la droite qui lui a reproché d'avoir sapé les fondements de l'éducation, de l'autorité, de la famille, et aussi par une certaine gauche qui a vu dans les injonctions libertaires de 68 eh bien, la matrice de notre libéralisme contemporain. Du coup, on s'est demandé benoîtement ce qu'en pensaient les Français. Et on a fait, une fois n'est pas coutume, un sondage. Et on a été... Et la surprise. Grande surprise. Les Français ont une opinion extrêmement positive de 68. 79% des Français trouvent que 68 a été un événement positif. Alors évidemment, on a développé ce sujet à notre façon littéraire et politique. Par exemple, mai 68, vous savez, hein, ce sont des mots d'ordre, ce sont des slogans. La beauté est dans la rue, fermons la télé, ouvrons les yeux, élection piège à con. Et du coup, on a demandé à des écrivains, des intellectuels, de s'interroger sur les résonances que ces slogans quinquagénaires peuvent avoir aujourd'hui. On a par exemple Thomas Clerc qui analyse le slogan « La beauté est dans la rue ». Et en effet, comme il le remarque, on a vu surgir en 68 des éléments de beauté dans la rue, de très belles affiches, presse ne pas avaler notamment. On a vu surgir aussi des affiches excessives, cette figure de Hitler enlevant son masque de Gaulle. Mais comme il l'écrit, en 68, nous sommes passés en fait de « Je vous salue Marie » à « Je vous salue Marie ». Et aujourd'hui, pour lui, en fait, nous vivons un peu la version domestiquée, récupérée de cette rue 68arde. Il s'intéresse ainsi aux animations sonores qui annoncent les stations du tramway parisien. Jean Moulin annonçait d'une voix sombre, Dido dit d'une voix d'enfant. Alors très vite, parce qu'il nous reste assez peu de temps, je crois que vous avez demandé aussi à Paul Béatrice Preciado son avis sur mai 68. Voilà, on lui a demandé, elle s'est intéressée à ce slogan qui est « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ». C'est un slogan qui s'oppose en fait à l'idée platonicienne Gracchienne que l'homme et la femme sont les deux moitiés d'une sphère. Mmh. Et elle, au contraire, voit dans ce slogan le ferment d'une petite révolution qu'on voit aujourd'hui. Elle explique qu'il n'y a pas de sexe, il y a une multiplicité d'êtres hybrides et mutants, il y a une multiplicité irréductible de corps, de désirs, d'organes, de fluides, luttant pour être connus au sein d'une épistémologie de la différence sexuelle. Voilà, tout ça à lire dans le nouveau magazine littéraire. Merci beaucoup. Merci Alexis. Mathieu. À très bientôt. À bientôt. C'est bien un voyage dans les paysages gracchiens que nous faisons aujourd'hui au dernier épisode de cette série consacrée à l'auteur du Rivage des Sirtes. Nous sommes à présent rejoints par Bernard Vouilloux, professeur à l'Université Paris 4, spécialiste des liens entre images et littérature et auteur notamment de Julien Gracq, La littérature habitable chez Hermann en 2007, mais également du livre Gracq Autographe, publié chez José Corti, c'était en 1989. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est que les lointains me touchent plus que les choses proches. Enfin, j'ai, si vous voulez, une espèce de, en imagination, tout au moins une espèce de presbytie. Je remarque d'ailleurs, c'est une remarque que j'ai dû écrire quelque part, que si on regarde de très près, dans les livres d'écrivains un peu descriptifs, il y a deux familles qui ne se mêlent presque jamais. Il y a les myopes, enfin, et les presbytes. Bonjour Bernard Vouilloux. Alors les myopes et les presbytes, disait Julien Gracq dans cet entretien avec José Pivin en 1954. Lui, il serait peut-être plutôt presbyte. Il voit moins bien de très près. Il voit les paysages dans leur ensemble. C'est votre avis aussi ? Alors, je voudrais tout d'abord remarquer que cette distinction entre écrivain myope et écrivain presbyte a une longue histoire. Hein. Derrière elle, elle commence au XIXe siècle avec les discussions autour de la littérature réaliste et en particulier de Flaubert. Et on trouve cette distinction chez Maxime Butquand, chez les frères Goncourt, chez Sainte-Beuve, entre autres. Oui. Gracq, incontestablement, écrivain presbyte, écrivain des lointains, de la longue distance, de l'ensemble, du surplomb. Si. En cela, peut-être est-il proche de Stendhal, tel que Proust en parle. Hein, c'est-à-dire que les lieux surélevés, les tours, les éminences comptent. On le voit bien déjà avec au château d'Argol, hein, son premier récit. Que tout un paysage, un territoire se découvre, que le regard peut embrasser. Un paysage de ville aussi. Un paysage de ville, mais là c'est un peu plus délicat. On y reviendra peut-être. Hein. Bon, il y a Nantes, mais il y a Rome aussi. Et à Rome, justement, l'horizon est obturé. Hein. Mm-hmm. C'est une ville musée, alors que Nantes est une ville stellaire en quelque sorte, hein, un plan en étoile avec des échappées sur ces pourtours entre ville et campagne qui sont si pleins de promesses pour Gracq. Mais pour revenir au paysage, je pense que cette prise de distance à partir d'un point surélevé permet non seulement la lecture du paysage avec l'affleurement. C'est un géographe hein, de formation Gracq, avec l'affleurement des lignes de force en quelque sorte indiquées par la géologie, la nature des roches, mais aussi une prise de distance par rapport aux évolutions de ce paysage. Il y a une notion fascinante hein, développée par Gracq dans ses carnets du Grand Chemin, c'est celle de paysage-histoire. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce que c'est le paysage histoire? Ah, le paysage histoire, eh bien c'est par exemple celui des Ardennes. Hein, c'est le paysage qui raconte. Terre frontalière. Ce sont des lieux que leur configuration géologique, végétale et leur emplacement avoué à différents moments de l'histoire à des batailles, hein, à des événements guerriers. C'est le cas notamment pour les Ardennes qui forment le décor d'un balcon en forêt. Le décor, ouais. Où, à part peut-être dans un balcon en forêt où il y a des hommes au sens d'être humain, en général dans les décors de Gracq, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il est presbyte, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Les villes sont relativement vides, les paysages aussi sont très peu peuplés. Ou alors, les personnages y apparaissent, je crois que c'est lui qui fait la remarque à un moment, comme dans les tableaux de Villard, comme fondus dans le décor. Et ça, c'est quelque chose à quoi Gracq s'est montré très attentif tôt, à quoi il était sensible, par exemple, chez les romantiques allemands. Il parle de la plante humaine, une expression qu'il emprunte à Athènes, pour désigner ces rapports d'osmose entre le personnage et son environnement. Des personnages donc qui semblent émerger, en quelque sorte, de leur décor, on le voit dans les tableaux de Vuillard. Alors vous parlez des tableaux, et c'est normal, car vos recherches portent sur les rapports entre le verbal et le visuel, entre la littérature et la peinture. Bernard Vouilloux, justement, Julien Gracq semble être d'abord un écrivain de l'esthétique. Est-ce que cette absence de psychologie, un peu revendiquée par Julien Gracq au profit d'une approche plus esthétique, vous semble un déterminant fondamental de son œuvre ? Alors, je ne sais pas si j'emploierai le terme d'esthétique, parce que ce qui me semble très important dans l'appréhension qu'il a de la peinture sur le tard, il faut bien le reconnaître, hein, ça commence dans le deuxième recueil de Lettrine, ça se poursuit en lisant, en écrivant, c'est ce qu'il retient dans un tableau, c'est son caractère soluble, en quelque sorte. Soluble dans un lieu, donc on retrouve une problématique assez proche de celle qui nous occupait à l'instant sur les rapports entre le personnage et son environnement, ou soluble dans l'imagination. Parce que Gracq n'est pas accordé d'emblée à la peinture. Alors ça, on va le dire, mais oui. Je voulais vous faire réagir sur cette idée d'une écriture et d'un regard qui serait d'abord porté sur l'esthétique. Ça vous semble pas juste, ça ? Il y a tellement. D'abord, tout dépend de ce que l'on met sous le terme esthétique. Ce côté artificiel, d'une certaine façon. Oui, en ce sens-là, parce que il est requis par un certain type de peinture, par d'autres. Hein. Il parle d'inquiétisme. Il dit que ce qui l'attire dans la peinture, c'est celle qui, est quiétiste en quelque sorte. Et il parle finalement assez peu des très précisément des couleurs ou des formes d'un tableau. Alors des couleurs et des formes d'un tableau, peut-être pas, mais en tous les cas, il parle beaucoup des couleurs quand il décrit des paysages. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet un extrait de Lettrine, élément du paysage des Landes, lu par Irène Hu, lycéenne à Henri IV. Clairière dans les pins, en réalité plus sombre que l'épinède, tapissée d'une herbe courte et serrée, veloutée, sous les branches étendues des chênes qui font bouger à terre des taches d'une luminosité riche d'un vert doré. C'est de la fraîcheur de cette ombre au milieu de la pinède incendiée que naît l'impression de clairière, ou plutôt d'oasis. Petite maisonnette de garde-barrière, posée au hasard sous les arbres et sur l'herbe, comme un jeu de construction jeté en vrac sur un tapis de billard. Ni clôture, ni sentier, ni même des raflures dans l'herbe. Les volets sont fermés, il n'y a personne ici que cette ombre fraîche d'aquarium sous les branches. 6-7 maisons, c'est un village considérable. Les pinèdes plantées serrées sont laides à cause de la raideur des troncs verticaux que rien ne coupe ou ne dissimule. De lugubres futaies de poteaux télégraphiques scarifiées au pied de leur longue entame neuve. Plus au large, plus aéré, c'est une claire forêt solaire où le pin tord ses branches à l'aise comme la ferraille dans le grésillement d'un brasier. Tout ici est crépitement. Soleil décollant les lamelles d'écorce, déhiscence claquante des pignes, aiguille sèche sous le pied du promeneur, tout glorifie la sécheresse combustible. La double bande d'un vert lumineux de l'herbe au bord de la route y fait une allée de fraîcheur, débouche de loin en loin sur les clairières de contes de fées, où les maisonnettes, couchées à l'ombre sur la pelouse, ont la dispersion bizarre et rêveuse d'un troupeau qui rumine, logé au large sous les chênes. Beauté des grandes coupes de pin et des espaces incendiés où les arbres repoussent, simple surjon encore d'un mètre de haut à peine. Au loin, à des kilomètres, les falaises noir-violet des troncs serrés contre lesquels vient battre la lande, et on entend le bruit orageux du ressac passé sur la mer libre. Alors là, Bernard Vouilloux, il me semble qu'on est dans une forme de poésie en prose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a ces images du soleil décollant les lamelles d'écorce. Il y a aussi la prégnance de la vue qui semble l'organe dominant de la perception avec le champ lexical de la luminosité. J'ai relevé la couleur vert doré qui contraste avec l'ombre fraîche d'aquarium, le vert lumineux de l'herbe au bord de la route, les falaises noires violet. Comment vous, est-ce que vous entendez ce texte-là ? Vous avez déjà fait un certain nombre de marbres. Il est évident qu'il y a une prédominance des notations visuelles, mais je dirais comme pour nous tous. C'est le canal majeur de nos perceptions, dès lors que nous ne sommes pas privés de la vue. Ce que je trouve saisissant tout de même, c'est le nombre des notations d'ordre auditif, se rapportant donc à des sources sonores, un paysage s'abruit, le crépitement des épines. Également, l'importance des notations tactiles, celles qui ont rapport à la chaleur. Je me garderai bien de parler de synesthésie, mais il y a une perception multisensorielle. Et sensuelle, vous diriez aussi ? Certainement. Avec une très grande attention donc à ce qui constitue l'ambiance d'un paysage. Et cela, ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental chez Gracq. Il est attentif à l'ambiance d'un lieu. Vous avez parlé de prose poétique. Oui, il y a une rythmique, il y a une chaîne d'assonance et d'allitération qui viennent soutenir en quelque sorte cette description de paysage. C'est un très très beau passage. Alors, parlons de peinture, puisque vous vous êtes intéressé à cette question, en particulier chez Julien Gracq, que ce soit dans votre livre « Julien Gracq, la littérature habitable » ou encore dans votre texte « Gracq, la peinture et l'image ». Il faut d'abord préciser que la peinture n'a pas été pour lui, au départ, un art qu'il a appréhendé aussi facilement que la musique, par exemple. Non, c'est moins que l'on puisse dire. Il y a des notations dans Lettrine 2, notamment, sur le cauchemar que représentait pour lui les sorties dominicales au musée des Beaux-Arts de Nantes, tout proche du lycée, dont venait l'extraire un de ses oncles, pour donc des visites qu'il vivait comme un véritable pinsomme. Il voyait ce musée comme une crypte. Les expressions qu'il emploie sont éloquentes. Il parle effectivement d'une crypte sépulcrale, d'une église, d'une morgue, d'un cloître, d'un sauna, d'une géhenne, d'un mastaba. Enfin, vous voyez que beaucoup de ces termes renvoient à des édifices cultuaires et funéraires. Donc c'est placé véritablement là la peinture sous les auspices les plus négatifs, celle de ce pôle négatif d'ailleurs que représente dans la topographie nantaise la proximité entre le lycée et le musée des Beaux-Arts. Non, l'art auquel il est accordé d'emblée, c'est la musique, et en particulier l'opéra avec Wagner, il en a beaucoup parlé. Alors néanmoins, la peinture, les arts du dessin, disons, sont présents dans ses premières fictions, description de la gravure de Durer dans le château d'Argol, sous la forme d'une mise en abîme. Il reprend là Agide, un dispositif qui est fécond sur le plan de la fiction. Portrait de Piero Aldo Brandi au cœur du rivage des Sirtes. Et on retrouvera ce dispositif, d'ailleurs, dans Le Roi que fait. Tu vois, une... Ouais. Dernière nouvelle de la presqu'île. À un moment donné, quelque chose va changer. Alors, en quelque lui, chose change. Et il va comprendre la peinture, c'est ça ? Qui permet de comprendre la différence qu'il y a entre les deux premières descriptions dont je parlais, les deux premières mises en abîme, et puis la troisième, celle qui intervient tardivement dans Le Roi que fait, tu vois. Ce qui change, c'est que, au milieu des années 50, il l'a dit dans un entretien avec Jean Roudeau, il fait la connaissance d'un marchand d'art, d'un marchand retraité, donc tout soupçon d'entente, en quelque sorte, avec le marché de l'art est mis de côté, mm-hmm. et un marchand d'art qui va véritablement l'initier à la peinture. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exactement entre eux ? On n'a pas tellement de détails, été les mais mots. Nous avons des indices dans les textes. Mm-hmm. Nous avons des indices. Par exemple, petite notation que l'on trouve dans, là encore, Lettrine, Lettrine 2, si j'ai bonne mémoire, où le gris si caractéristique du paysage urbain parisien, le gris des toitures de zinc, est rapproché de certaines toiles des lions. Oui. Et du ciel aussi, voilà. Malheureusement, bien oui. souvent. Alors, ce qu'il ne supportait pas, en revanche, dans la peinture, c'est ce que Breton lui aimait particulièrement, c'est-à-dire le côté convulsif. Et ça, Gracq a toujours préféré, et c'est peut-être pour ça qu'au départ, il a eu des difficultés avec la peinture elle-même, il a toujours préféré ce qui était de l'ordre de la quiétude. Absolument. Alors effectivement, tout ce qui est convulsif en art et qui recouvre aussi bien l'art de Courbet, art de Luther Forain, dit-il à un moment, que celui de Turner avec ses cataclysmes de lumière. Non. Pour lui, la ligne sacrée, je crois qu'il emploie une expression approchante, c'est celle qui court de Chardin à Cézanne. Mmh. Et ligne qui culmine d'ailleurs, selon lui, dans la seconde moitié du 19e siècle. Il ne dit rien après sur le cubisme, par exemple, ça ne l'intéressera pas particulièrement. Non. Il reste assez classique dans ses goûts. J'ai parlé des lions à l'instant. Et Lyon, vous le savez, a commencé dans l'abstraction. Mm-hmm. Et puis va revenir à la figuration. C'est une évolution qui a évidemment fait beaucoup parler d'elle. Le lion qui intéresse Gracq, c'est celui effectivement de la période figurative. Alors, cette période de la communion dans la vraie peinture, en quelque sorte, elle se noue pour Gracq autour de peintres, de paysages et de natures mortes. Compagnie des auteurs sur France Culture au dernier jour de notre émission consacrée en quatre volets, comme d'habitude, à Julien Gracq avec vous, Bernard Vouilloux. Nous parlons des rapports de Gracq avec l'image. L'image, c'est la peinture, mais c'est aussi le cinéma. Il s'y intéresse également. D'ailleurs, il y a un certain nombre de ses fictions qui ont donné lieu à des adaptations cinématographiques. Oui, la plus réussie d'entre elles, c'est incontestablement Rendez-vous à Bray d'André Delvaux, qui est un réalisateur important. Hein, d'après Le Roi que fais-tu ? Alors, effectivement, Gracq, il faut le rappeler, a fait partie de la commission d'avance sur recette du Centre National du Cinéma, qui ne s'appelait pas tout à fait ainsi d'ailleurs à l'époque, à la fin des années 60, au début des années 70. Bon, mon très regretté ami Jean-Louis Letras, dont les premiers travaux ont porté sur Julien Gracq et qui a ensuite beaucoup travaillé sur le cinéma, s'est beaucoup intéressé effectivement au rapport de Gracq et du cinéma. Mais c'est important ces rapports-là ou est-ce que pour... Alors moi je renverrai à ce qu'il en dit dans littérature et cinéma, une section dans Lisant en écrivant. Parce que ces remarques, j'y reviens souvent, elles sont lumineuses d'intelligence. Elles ont une précision en dehors de toute référence à quelconque approche disciplinaire qui pourrait donner beaucoup à penser aux sémioticiens. Or, ce qui s'avère très important dans la comparaison à laquelle se livre ici Gracq, c'est évidemment le caractère dynamique de l'imagination. Or, l'imagination ne fonctionne pas de la même manière devant des images mobiles enregistrées, devant un film, et devant un texte. Il s'agit là, à ce moment-là, d'une autre sorte d'image. Hein. Ce sont ces flous vagues et assez lointains, des images mentales, des représentations que nous faisons. Mais les images littéraires de Julien Gracq, elles sont souvent fixes, puisqu'il raconte moins une action en train de se dérouler que bien souvent un instantané autour duquel il semble tourner pour en extraire les détails les plus beaux, les plus poétiques, les plus signifiants. Alors oui, mais il ne faut pas confondre ici plusieurs choses. D'abord, l'image proprement littéraire, c'est la métaphore, la comparaison, hein, c'est ce que l'on appelle, au moins depuis Marmontel, les images verbales. Il y a ensuite tout ce qui est objet de la perception d'un écrivain et autour de quoi il tourne, mais on sait que Gracq, par exemple, se refuse à cette apothéose de la lampe pigeon, comme il le dit dans sa conférence très polémique sur le nouveau roman en 1960. Hein. Il vise là les descriptions de Rob Grier, descriptions froides, objectives, très très minutieuses. Effectivement, oui, comme on l'a vu avec l'admirable description qui a été lue tout à l'heure, il semble tourner pour en explorer toutes les facettes sensibles autour de son objet, mais il est très averti des pouvoirs de l'imagination du lecteur qui, à partir du texte, se construit sa représentation. Et là-dessus, donc, pour lui, hein, c'est très clair, le cinéma vient fermer les voies de cet imaginaire. Alors, on aurait pu citer aussi Michel Mitrani qui a adapté Un balcon en forêt. Je ne suis pas sûr que Julien Gracq avait beaucoup apprécié cette adaptation. Est-ce qu'il y a pour vous une image qui vous serait personnelle et qui reste de vos lectures de Julien Gracq? Je ne sais pas, une image, par exemple, de la ville imaginaire d'Orsena ou une image du Farguestan. Est-ce que vous voyez, quand vous pensez à Gracq, quelque chose? Beaucoup de choses, mais je n'en citerai qu'un exemple, parce que il vient s'accorder à ce que nous y disions tout à l'heure sur le rapport du personnage avec son environnement. C'est l'apparition, on peut employer l'alter qui est employé par Flaubert à propos de Madame Moreau, hein, dans l'éducation sentimentale, de Vanessa, sortant en quelque sorte de la flore. Je voudrais, pour terminer cette émission, comme vous êtes aussi un spécialiste de Pascal Quignard, vous demander si vous avez lu, si vous connaissez ce petit texte de Julien Gracq dans lequel il parle des demoiselles Quignard. Enfin, Julien Gracq, plutôt Louis Poirier, aller chez les demoiselles Quignard pour faire du solfège et du piano. Bien sûr, je connais le texte. J'ai même eu l'occasion d'entendre Pascal Quignard en parler une première fois. C'était à l'issue précisément du colloque Gracq organisé par Michel Murat l'année du centenaire en 2010. Et l'intervention de Pascal Quignard, évidemment, venait tout à fait à contre-courant de tout ce que l'on avait entendu pendant deux jours. Parce que c'était les grands-tantes donc, de Pascal Quignard, et apparemment le texte de Julien Gracq qui raconte ses visites chez elle n'est pas très amène. Non, ça mais Quignard ne s'est pas montré très amène non plus à l'égard de... Qu'a-t-il dit alors ? Alors, il racontait sa première, je crois bien, seule rencontre avec Quignard, avec Gracq, qui lui avait donné rendez-vous au club militaire Place Saint-Augustin. Bon, c'est déjà un signe. Mmh. Et lorsque Pascal Quignard est entré, on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas pénétrer dans la salle de restaurant sans porter une cravate. Mmh. Et donc, un appariteur s'est empressé de lui en proposer une. Voilà comment, sous quel signe s'est placée la première rencontre entre Quignard et Gracq. Et pour Quignard, voilà, c'était emblématique de ce qu'est pour lui Gracq, un écrivain de l'ordre. Merci beaucoup Bernard Vouilloux. Je signale que vous venez de publier aux éditions des Belles Lettres un essai intitulé « Sur une hypothèse de Pascal Quignard » parce que les textes de Pascal Quignard, dites-vous, peuvent nous éclairer sur les pouvoirs de l'image. Demain, vous pourrez entendre d'autres interventions enregistrées lors de la journée d'hommage à Julien Gracq le 9 décembre dernier avec les prises de parole de Régis Debray, Eddy Cadour, Emmanuel Ruben et Jérôme Villeminoz. Mais tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Les Hardis. Après Marcel Moreau, Jean-Pierre Verhaeghen, cette référence vient immédiatement. Le degré Zorro de l'écriture aux éditions Babel. Mes camarades disent que la vie et les luttes des ouvriers, paysans et soldats sont la source unique des genres littéraires et artistiques. Est-ce que ce que j'écris montre cela, disent mes camarades? Non. Mes camarades disent qu'en tant que forme idéologique, les œuvres littéraires et les œuvres d'art sont le produit du reflet, dans le cerveau de l'homme, d'une vie sociale donnée. Or, qu'est-ce que mon cerveau reflète, disent mes camarades? Quelle vie sociale? Celle de la bourgeoisie, occupée de sexualité, de fantasmes. Est-ce que mon cerveau est celui d'un écrivain ou d'un artiste révolutionnaire, disent mes camarades? Non! De quelle réalité suis-je parti? Mes camarades disent de la réalité bourgeoise, comme si cela allait toujours continuer ainsi à se dégénérer de plus en plus d'une réalité où je me complais. Poème de la déception petite bourgeoise considérée comme une œuvre d'art populaire. Donne une baise à monsieur le poète. Tire tes poings de tes poches. Ôte ton béret. Ne joue pas avec la floche. Donne la belle main à monsieur le poète. Dis bien bonjour. Tu ne peux mal aller à la bonne heure comme ça. Entrez seulement, entrez. Chante un petit morceau à monsieur le poète. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Non, pas ça, pas ça, malheureux. Voilà, Jean-Pierre Verhaeghen nous laisse ses pages sonores dans le degré Zorro de l'écriture. Et puis une autre page s'appelle « Le naufrage du rhétorique ». Il travaille dans les soutes pendant que les autres rament. Il s'appelle Verhaeghen et complote avec les rats. À œuvrer à fond de cale, il a vite compris que le navire faisait eau de toutes parts. D'aucuns tenteraient de le colmater les brèches. D'autres imagineraient dans le château arrière comment éviter la catastrophe, mais lui, il creuse dans le noir. Celui qui sabote ses propres instruments de travail est mis au banc de la communauté. C'est pourquoi Verhaeghen est un écrivain hors classe. Il ne parle pas la langue des quartiers maîtres ni celle des gens de la terre ferme. Il argote en transit, il lapsise en voyageur clandestin. Il jure ses grands dieux comme un vulgaire manœuvrier de la mer. Enfant, il a appris la belle prose, celle dont on taille les poètes, mais ses mauvais instincts ont repris le dessus. Aussi s'est-il dévoyé dans les rues interlopes. C'est un texte de Gérard Georges Lemaire. Les moteurs produisent de la vitesse et le séminal colligeur dégorge sa phonie. Son écriture turbine à plein rendement et au réveil, c'est la guerre qui commence. Voici ses poèmes en forme de liste. Nos plus vifs remerciements au mot banzai, à monsieur Donald Trouduc, le flic stressé, à celle qui connaît le jeu social qu'on lui demande, à Louis-Ferdinand Fedaïn, le speaker des igloos, ainsi qu'à William, le bras droit du mois d'avril, l'idiot en enfer, sans short penseur, Louis Samokokadix, Chrétien Manger, Gentil Calico Mesdames, Mouillette Pouillette et Jean Lariguette, Le Démocrate Piqué, Stan Cortex, Broching Marx et René Miel, Cyanure de Bergerac, Singemoud Freud, Le Mutant Suisse, Le Rat Robot, Le Nain Mort d'Overshose, Embaumeur numéro 7, Barbe Poil le Célibataire, Pauline Sousloff, La Poule de Dostoïevski, Oignon l'Afrique, Hubert Leblanc, Le Cultivateur canadien de poids mange tout, Dodge Bandson, Le Lupin de Lille. Merci Jacques Bonafé, en lien avec le Printemps des Poètes, vous consacrez cette semaine au Hardy de mai 68.